Et Al-Mu'allif, وفقه الله, il a répondu à كثير من الشبه المتعلقة بهذه الحزبية التي انتشرت جدا. ثم في هذا اليوم نبدأ في مسألة مهمة في هذا الباب, وهي التناقضات. تناقضات حصلت ووقع فيها بعض هؤلاء من حيث شعروا أو لا. تناقضات qu'on va lire, qu'on va étudier ensemble pour كذلك rajouter du yaqin على ما نحن عليه من أن القوم عبد الرحمن عدني ومن معه في الحزبية واضحة. Celui qui prend du temps في الدراسة, celui qui prend du temps à étudier les choses, celui qui a du insaf, bien sûr, là est ta'assab, celui qui avance et comprend cette fitna avec qawaid al-salaf, avec manhaj al-salaf. Il y en a cette fitna, c'est exactement comme les fitnes qu'il y a eu. Il y a l'usloub, t'agayyar. Mais les usloub, c'est les mêmes. C'était ça le maqsoud. Maqsoud, c'est d'étudier cette fitna. Hatta, walillahi alhamd, on est à la ilm. On parle bi'ilm, on conseille bi'ilm, narod bi'ilm, tout en s'écartant de l'hawa, ta'assub, al-taqlid, al-igdirar bil-kathra, tout ça là yenfa'. Alladhi yenfa' c'est l'ilm, alladhi yenfa' c'est mouafaqat al-salaf, qabla dhalik mouafaqat al-dalil, al-burhan, al-hujja, hada alladhi yenfa'. T'es tout seul, ou vous êtes un petit groupe, ou vous êtes beaucoup. L'essentiel c'est mouafaqat al-haq. Wa inshallah nabda al-yawm fi qira'at hadhihi al-tanaqudat pour démontrer anna hadha alladhi hasala min Abd al-Rahman wa alladhina ta'assabu lah fi hizbiyya wadhiha. Hizbiyya wadhiha wa ba'd an-nas nasallahu subhanahu wa ta'ala al-hidayah lil jami'. Ils ont pas compris. Yaghtarru. Ba'd an-nas ont des shubha. Bardanas, ils n'ont pas suivi cette fitna. À chaque personne, on répète à sa place. Minhum al-hizbiyoun, wa minhum al-juhal, wa minhum bardanas igtarru, bardanas ijtahadu. Et cette masala, on l'avait expliqué en détail. Qabla al-nafkur, hadhihi al-tanaqudat, naqra alaykum ba'd kalam ahl al-ilm. Fait khuturat al-tanaqud, la gravité de se contredire. Et la contradiction, c'est un dalil anna al-shakhs il est pas al-haq, lianna al-haq il est wahid. Amma al-yawm tu dis sunnah et demain tu dis bid'ah, ala chaque un des deux qawl il est khata. Enfin, la chose, imma c'est une sunnah, imma c'est une bid'ah. Kadalik, aujourd'hui tu dis hizbi, demain tu dis sunni ou l'aks, ala chaque un des deux hukm il est khata. فالتناقض خطير جدا. Ça montre أن صاحب التناقض il est pas à la حق. تناقض c'est se contredire. واسمع وتأمل كلام الأئمة في ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النافع إعلام الموقعين قال وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض. صحيح ما جاء من عند الله كسس القرآن كسس سنة النبي عليه الصلاة والسلام كسس إجماع السلف هي لا تناقض فيها أبدا لأنه سحق والحق لا تناقض. كيس كونتخديس الباطل أما الحق لا. فلهذا تدخفات كونتخديكسون في كتاب الله أبدا. C'est pour cela que tu ne trouves pas de contradiction au fils sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On avait étudié ensemble, wallahi alhamd, Risalat al-Usul, min 'ilm al-Usul, l'imam, al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Et ta'lamoun anna al-Usuliyin yadhkurun bab al-ikhtilaf, ou bab al-ta'arud. Ta'arud, et on avait expliqué anna fil Qur'an il n'y a pas de tanaqud, abadan. السنة si tu trouves un hadith qui contredit un autre, إما des deux hadiths il est ضعيف. ففي الحقيقة le deuxième hadith c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. أما le prophète il se contredit, أبدا لأن البروفيت صلى الله عليه وسلم إلي تنظيه بالحق إلي بروفيت الحق إلي على حق عليه الصلاة والسلام. كذلك ونبي فيه أن ربما التعارض اللي عندك أو التناقض سيبقاتوا لي دو حديث صحيح أو دي فرصة القرآن بعض الناس يكون خنبا يدمون هذا شغبيا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما si c'est des versets du Coran Karim ou des hadiths sahih, il n'y a pas de contradiction. Lakin, par rapport à toi, par rapport à ton ilm, à ta compréhension, tu peux ne pas comprendre, tu reviens à l'ilm. Mais tu verras que l'ulama t'explique. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Al-Murad, c'est kada. L'explication, c'est telle chose. Et bien, idnillah, le ishkal, le problème, bien, idnillah, il n'y a plus de problème. Ba'dahada. قال ابن القيم رحمة الله عليه وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. نعم الاختلاف والتناقض la contradiction elle vient d'une chose qui ne fait pas partie de la révélation. تستفيد من هذا الكلام أن celui qui se contredit dans son dîme c'est qu'il a délaissé des adillah, il a délaissé des barahin, il a délaissé manhaj al-salaf. Il se contredira par rapport à son écartement, à son déviement du haq. Nahnu limada nsid hada pour montrer que les gens ne sont pas à la haq, ils se contredisent. Ils seraient à la haq, ils n'ont pas besoin de se contredire. Des contradictions, adiba, c'était adjab. Wahid dit un kalam, aujourd'hui, le lendemain, il se contredit, tamaman. Ça montre que les gens ne sont pas à la haq. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية وقد بينت أن التناقض واقع من كلام عالم غير النبيين. قد يقول قائل est-ce qu'un عالم peut se contredire؟ نعم لا شك ولا ريب mais aucun doute في هذا. لماذا؟ لأن العصمة elle est في القرآن وفي السنة. الله سبحانه وتعالى رب العالمين il se contredit pas أبدا. Et le prophète alayhi salatu salam kadhalik li annahu il est appuyé par le wahy. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La yantiqu 'anil hawa, il se contredit pas alayhi as-salatu salam. Amma al-'alim na'am. Lanahu sa bashar. Lanahu il est pas appuyé par la révélation. Il peut se tromper. Il peut la shak anna al-'alim min ulama as-sunnah. Il a beaucoup plus souvent raison que qu'il se trompe. La chakami. Lakin, est-ce qu'il peut se contredire dans le mas? Ala na'am. Na'am. Alors, nous, on a cité هذا كلام شيخ الإسلام. حتى on cite تناقضا أنه c'est pas une chose impossible. أبدا. Lakin, le mas'ala الآن, est-ce que تناقض حصل? حتى on démontre أن ce qui s'est passé, الحق il est مع فلان qui s'est pas contredit. Et فلان il s'est contredit. Ça montre que son qawl il est khata. Hada. On répète kalam sur l'islam wa qad bayyantu anna at-tanaqud ay se contredire waqi'un min kalam 'alim ghayr an-nabiyyin. Amma les prophètes là, les noms ils sont appuyés par la révélation. Amma autre que un savant, min bab awla un talib 'ilm, ils peuvent se contredire. Fa anta si un savant il se contredit, tu recherches le haqq. Et tu suis le haqq. لماذا لان لا contradiction un des deux قول لا شك il est خطا مثلا un savant il dit فلان c'est un sunni ثم il dit فلان c'est un حزبي un des deux la personne اما les sunnites اما les من الحزبيين peut pas être les deux. هذا c'est ça qui est مهم. نحن الان on va citer ces تناقضات حتى celui qui fait غفله يستيقظ celui qui fait تعصب كذلك il se réveille il délaisse تعصب celui qui a pas compris باذن الله il comprend plus. C'est ça le but. Nushan lillah wa li rasulihi wa lil muslimi. Wa qala al imam al-qayyim kadhalik fi kitabihi al-furusiyyah qala li yatadabbara al-labib ma fi hadhihi al-furu' min al-fasad wa at-tanaqud ad-dal ala fasad al-asl. Il a cité des masail rahmatullah alayh, thumma il a démontré qu'il y avait des contradictions. ثم قال والتناقض الدال على فساد الأصل. تناقض dans des مسائل ça montre que l'asl est فاسد لأنه l'asl serait bon il n'y aurait pas de contradiction. فنحن va démontrer أن ces تناقضات ça montre que l'asl المسألة ils se sont trompés Est-ce que Abdurrahman Adani c'est un hijbiyab? Là, on a démontré, wallahi alhamd. Vu qu'eux, ils n'ont pas pris ces adillah, ils ont pris une tariqa, ils se contredisent beaucoup. Qala, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi bil fatawa, fa inna at-tanaqud awwal maqamat al-fasad. La première étape du fasad, de l'égarement, wal-iyadu billah, de l'bid'a, de toutes ces choses qui contredisent l'haq, la première chose, la première étape, c'est tanaqud. Tu trouveras cette personne, elle commencera à se contredire. Et si elle se contredit, elle peut parler haq, elle peut parler batil. Rubbama, il suit le batil. Et il délaisse l'haq. Ah, d'après la personne, il yantabih. Yantabih, il fait des efforts fait l'ilm. Il fait des efforts fait tiba' al-kitab. Ou al-sunnah. Et s'il a ishkal, il revient à ahl al-ilm. Bidon ta'assub, bidon taqlib. Yataharra d'alil. تحرر الدليل ولا يستعجل لا يستعجل في الأمور بعض الناس لماذا يسكن تخديز لأنهم يسفرسيبت il entend un شيخ dire une chose ça correspond à quoi il suit un autre شيخ le lendemain il dit autre chose lui دليل ça lui met des doutes il se contredit il revient comment il redit une autre chose comment il sait plus là ne te contredis pas أخي tu t'es trompé fais التوبة تلاس الخطا والله prendre le حق c'est une رفعة ولو t'es tout seul tu sens ton قلب il est مطمئن. Tu sens que tu es à la hujja, tu parles avec quelqu'un, tu es à la burhan. Ils sont plusieurs, ils peuvent rien faire contre le hujja ou le burhan. Abadan. Al-haq, il est a'la, il est arfa, il est ajal. Mina al-rija. Wa qala al-shaykh salih al-shaykh, waffaqahu Allah, fi sharh al-hamawiyya al-kubra. La kalam tayyib fi al-tanaqud. Lian al-hamawiyya, shaykh al-islam, il a parlé de hada. Dans notre dars fi talkhis al-hamawiyya, Cheikh Ibn Uthaymeen, il avait démontré un tanaqud, ça montre que le qawl il est batil, tadhkurun. Cheikh Salih al-Sheikh قال: "Ma min ahad yukhalif al-haq illa wa lahu naseeb min at-tanaqud." Chaque personne qui contredit al-haq, il aura une part de contradiction. Limada? Lianna si contredit al-haq, il est sorti min طريق من الطريق المعصومة. Il est sorti من هذا. الآن c'est une proie يتعارض للتناقض. لماذا؟ لأن il a délaissé الحق. قال ما من أحد يخالف الحق إلا وله نصيب من التناقض. قال لابد له. لابد. لابد. هذا سنة الله سبحانه وتعالى. لأن الحق لواحد. Si tu sors من هذا الحق, tu deviens une proie. Tu deviens proie les shubuhat, les tanaqudat, les mukhalafat. Qala la budda lah nasibun min annahu yatanaqad. La budda. Quand tu trouves, quand tu vois une personne tatanaqad, i'lam qu'il n'est pas à la haqq. I'lam, il a des doutes. Lihada yatanaqad. Amma sahib al-haqq, la. Sahib al-haqq, Qur'an wa sunnah, bi'idhni Allah azza wa jalla, il a bon. Comme il y a des nas l'an tanaqadu bi hadha al-fitna. On va voir des exemples de ajaib. Un jour t'as un sunni, le lendemain t'as un haddadi. Thomas il faut plus parler. Thomas il faut t'aider. Thomas il faut défendre la sunna. Thomas tu redeviens un hizbi. Thomas ta'ad. Wallahi, ba'danas ils savent plus comment faire. Hatta ba'danas ils ont été clairs, ils ont dit. Un jour vous dites c'est des. En parlant d'ashab de mal, un jour vous dites c'est des sunnis, un jour vous dites c'est des haddadi, un jour vous dites ils sont bien, un jour ils savent plus comment faire. Ce tanaqud, il te montre que le kalam qu'ils se disent, il est pas haqq. Il n'est pas haq. Lian al-haq c'est wahed. T'es un mubtadi', t'es un mubtadi'. T'es obligé de faire tawba pour sortir de la bid'a. T'es un sunni, t'es obligé de faire une bid'a pour tomber dans al-hizbiyya. Amma, un jour, t'es telle chose, un jour t'es une autre. Là, c'est pas ça le deal. Abatan. Wa qala, waffaqahu Allah ta'ala, wa hadha kathirun jiddan, fi kulli sahibi hawa wa bid'a. التناقض من علامات أهل الأهواء. تتخوفغا المبتدع تتخوفغا الحزبي تتخوفغا المنحرف تناقضات كثير. تأملوا لدروس كنا في ولله الحمد في العقيدة تناقضات الأشاعرة. كم on a étudié les redoutes de Cheikh l'Islam, les redoutes de l'imam القيم et autres يردون على الأشاعرة تتخوف تناقض عجيب تناقض عجيب. Un jour ils acceptent les أدلة qu'ils ont accepté. Maintenant, l'exemple qu'on avait vu, c'est Yawm al-Ma'ad. Ils ont accepté l'adillah. Tout أما في الصفات لا أكسبت با على قيوم المعاصي من أمور الغيب الأسماء والصفات من أمور الغيب فلماذا تكسبت هنا وتغجت هنا تناقض العلماء ردوا عليه ils ont montré que c'était على باطل si tu as accepté les أدلة في مسائل الغيب الجنة والنار والقبر tu dois accepter في الصفات كذلك الأشاعرة مثلا ils ont accepté صفات العلم والحياة والسمع والبصر ils ont accepté tout ça comment tu le trouves ils rejettent صفات اليدين il dit là Allah c'est pas il n'a pas des mains en fait les mains c'est la force c'est la ni'ma on lui dit pourquoi il يقول لأن si tu dis qu'Allah il a des mains tu la fais ressembler aux créatures nous on lui dit l'être humain il a une vie كذلك tu dis qu'Allah il est vivant il dit na'am on lui dit l'être humain il est vivant كذلك donc tu fais ressembler Allah à la créature il dit là Allah subhanahu wa ta'ala il a une vie elle n'est pas comme celle des créatures فنحن on lui dit l'être humain كذلك ou les صفات اليدين كذلك Allah il a des mains c'est pas comme les mains des créatures وانتهينا لكن تناقض il se contredit هو il accepte certaines صفات il rejette d'autres تناقض il est à la باطل il est à la شر صاحب هوى ça c'est un exemple في الأسماء والصفات qu'on a vu وأمور كثيرة ما من قال وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة tu trouves يتناقض تناقضات les groupes égarés الآن que ce soit le jama'at tabligh الإخوان que ce soit les takfiriyin que ce soit les rawafid تتعجب لو جمعت ça serait plusieurs volumes في تناقضات أهل الأهواء قال لا يخلو من التناقض لأنه إنما عصم كتابه من التناقض وعصم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم العصمة هذا في اتباع القرآن والسنة celui qui sort من هذا il est à tout moment il peut se contredire لماذا لأن il n'a pas une source il n'a pas une chose qui le préserve un jour tu es un être humain un jour tu penses telle chose un jour tu penses autrement tu vas te contredire أما كتاب والسنة بإذن الله عز وجل tu t'écartes de ces contradictions هذا c'est مهم cette مقدمة elle montre l'importance de suivre le كتاب والسنة cette مقدمة elle montre l'importance de s'écarter des شبهات l'importance de s'écarter du ta'assub. Al-An, Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, il démontre anna al-alim al-sunni. Al-An, dès qu'il parle de l'alim, est-ce qu'il est ma'assoum? Est-ce qu'il est préservé de se contredire? Il répond là. Qal wa qad bayyintu anna al-tanaqud waqi' min kulli alim. Ta'ammal, il a dit min kulli alim. Chaque alim, il se contredira dans certaines masa'il. L'inaw, c'est un bachar, c'est pas un nabi. Ça nous montre que l'isme, ceux qui ne se contredisent pas, c'est l'anbiya. Lémada. L'anna, tout le monde doit revenir au nabi. Amma l'alim, là. L'alim, il peut se tromper, il peut se contredire. Il n'est pas à l'abri d'égarement. Amma al-nabi, abadan. C'est le ma'soum. Toute la umma, hikmatullah azzawajal, on doit revenir à ce nabi. Et c'est lui, al-hakam. Fa in tanaza'tum fi shay, farudduhu ila Allahi wa rasoul. Ça, ça montre l'importance de s'écarter du taqlid. Là, la su'alim al-an que certaines personnes iqallad, il n'est pas à l'abri du khata, il n'est pas à l'abri de la contradiction. Si tu le suis aveuglément, tu ne seras pas à l'abri du khata et tu ne seras pas à l'abri de te contredire. C'est ce qui s'est passé dans cette fitna. Wallahi, ba'd al-nas, ils ont qallad. Cheikh Fulan, il a dit, c'est des ahl sunnah, masha'Allah. Ils ont tous dit, c'est des ahl sunnah. Le lendemain, il a dit, c'est des haddadi. Ils ont dit, ah, vous avez vu, c'est des haddadi. Après, tout ce qui est entre moi et ce haddadi al-hajouri, c'est fini. C'est des ahl-sunnah. Ils ont dit, bon, c'est des ahl-sunnah. Thumma, c'est des haddadi. Ba'danas, ils ont dit, là. Al-an, kayf hada. Imma, c'est des haddadi, tu montres les usul les haddadi qu'ils ont kharif. Imma, c'est des ahl-sunnah, et t'as pas le droit de les critiquer. Lakin, vu que ba'danas, ils suivent aveuglément une personne, un shaykh, ولو سين فضل كبير الى علم غزير c'est pas une hujja pour le suivre aveuglement ابدا لانك tu seras pas à l'abri قال شيخ الاسلام واقع التناقض واقع من كل عالم فانتبه التقليد انتبه suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se contredit pas il est ma'soum min rabb al-alamin suis al ma'soum tu seras à la khair si tu te trompes il est un être humain ne te contredis pas tu te trompes demande pourquoi dès que tu as compris ton erreur, ben là tu fais tawba et tu suis as-sirat al-mustaqim. Hada التناقضات التلاعب السيد essayer كما قال شيخ معتيمين de tordre les adillah حتى les mettre à sa manière par rapport à l'hawa, un jour se contredire, ma hada tut'ib nafsak, wallahi tut'ib nafsak. Ce qui veut le raha, c'est le haq. Ce qui veut le ta'manina, c'est le haq. Ce qui veut le sakina, c'est le haq. Ce qui veut le ta'b, il khalaf l'adillah. Ce qui veut se contredire, se fatiguer des fitan, des problèmes, contredire le haq. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-abiya. Hadi muqaddimah de, insha'Allah, les masail qu'on va lire, fi al-tanaqud. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي